cette nique, encre noire et feuille blanche, tu vois, je suis pas difficile. J'annonce la couleur, black, blanc, beurre, une douleur est loin d'être une douceur. La mixtape et le style pour donner le ton. Tout le monde a sa perle et nous, on l'appelle chaton. Un clin d'œil, au passage, sentiments sur ondes sont présents et bien palpables. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Pourquoi parler c'est mieux au cap là. Pour moi c'est pas ça le rap. Je pense qu'on l'a perdu de vue. Le rap prend des formes plutôt inattendues. Dans l'hip hop y'a trop de crew et peu de voix crues. On parle plus des crew que de vertus. S'exprimer je prouve qu'on peut le faire de différentes façons. 1, 2, 3, 4, stop, puis passons. Yes I m'amène pour sa gère. Ah si tu bang bang. Cri de guerre, cri de ouf, cri de taré, cri de ding ding. Yes I m'amène pour sa gère. Si tu bang bang. Un son de plus qu'on déclenque. Baisse ta tête, j'annonce mon premier album avec un freestyle. C'est mon bijou, c'est mon tout premier cristal. Détale ou réchauffe le banc. Admire ma main qui bouge tout le temps dans les temps. Mon regard cisaillant qui te brûle comme une bombe à crimo. Balance des rimes qui t'explosent tout comme les patates de Grimbo. J'annonce mon embarcation et je compte bien y rester dans le milieu où on est. Les serrures obligées de les projeter. Avoir une place avec notre place marquée au fer rouge. Je te paralyse, je te canalise avec un regard louche. Je te pousse sur le front, je suis pas rémunéré à l'heure actuelle. Pas besoin de nous répéter, tu connais notre rituel. De montrer notre sincérité à travers un visuel. Avoir la bonne morale, pas se tromper de duel. Laisse-nous savourer notre fruit de la passion. Tu veux savoir un truc, un, deux, trois, nous passons. Le président s'affiche. Yes, I m'amène pour que ça gère. Ah, si tu bang bang. Cri de guerre, cri de ouf, cri de taré, cri de ding ding. Le président s'affiche. Yes, I m'amène pour que ça gère. Si tu bang bang. Un son de plus qu'on déclenque, clink. Le résident s'affiche. Yes, ça il m'amène, faut que ça gère. Ah, si tu bang bang. Sans style au beat. Cri de guerre, cri de ouf, cri de taré, cri de ding ding. Le résident s'affiche. Yes, ça il m'amène, faut que ça gère. Ah, si tu bang bang. Sans style au beat. Un son de plus qu'on déclenque, clink. Je lance mon premier album avec un freestyle. C'est mon bijou, c'est mon tout premier cristal. Décider sans faire pour donner le ton. Tant de larmes et de pages qui ont forgé ma passion. J'annonce mon premier album avec un freestyle. C'est mon bijou, c'est mon tout premier cristal. Décider sans faire pour donner le ton. Tant de larmes et de pages qui ont forgé ma passion.